Nous voilà fiancés par un double contrat. L'indolente Fanchon va devenir ta femme. Les grillades de Margot va te mettre en état de changer chaque jour. Une amoureuse gamme. Compère, es-tu content de ton marché? Dis-moi. Et toi, compère? Et toi? Parle-toi. Parle-toi. Es-tu bien satisfait? Compère, es-tu bien aise? Pour Margot, tout de feu. Pour Fanchon, tout de braise. Es-tu bien satisfait? Compère, es-tu bien aise? Mais, dis auparavant. Tu le veux? Tiens, ma foi, je le sais.